Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast de la French Tech San Paolo. Vous l'aurez compris, on va parler tech, business et entrepreneuriat à l'étranger. Nous allons questionner les rouages de la réussite outre-mer, partir à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours singulier, et faire un saut dans la culture paulista, où Samba et Caipirinha peuvent rimer avec start-up et digital, par exemple. Pendant 40 minutes environ, ces businessmen et women vous parleront de leur parcours, leurs challenges professionnels, vous prodigueront conseils et anecdotes afin que vous en retiriez un maximum. Vous inspirez, vous conseillez, vous motivez, vous rassurez, vous trouverez bien un motif qui en vaudra la peine. Prêt au décollage? Alors allons-y, vous écoutez la French Tech San Paolo. Si mon envie de créer cette chaîne de podcast m'est venue de façon personnelle, ayant une appétence pour le sujet de la tech, l'entrepreneuriat, l'innovation et de la communication, je dois avouer que Patrick Larnaudy-Eiffel, mon invité pour ce quatrième podcast, y est aussi certainement pour quelque chose. En effet, j'ai rencontré Patrick assez tôt dans l'année et j'ai tout de suite sympathisé avec lui, au rythme de nos discussions sur le rugby, les voyages, le digital et j'en passe. Nos échanges m'ont beaucoup inspiré et je n'ai aucun doute sur le fait que cette entrevue en fera de même avec vous. Patrick est relativement connu dans l'univers du digital à São Paulo. Et pour cause, il est directeur du business development de la Yuz Seguros, jeune compagnie d'assurance 100% digitale en très forte croissance. Après 4 ans à Paris chez AXA en management de projet, ce pur produit du Sud-Ouest part à 28 ans participer à la création de la Yuz Seguros au Brésil. Codétenu par la Caisse Nationale des Dépôts et la Caixa Seguradora, celle-ci ouvre la voie dans l'Insurtech au pays Oriverdi. Quand je suis arrivé au rendez-vous, je me suis d'abord cru dans les locaux de Google tels qu'on se les imagine. Je fus surpris par le semi-open space spacieux, lumineux et coloré, ainsi que l'ambiance start-up qui régnait. Le décor était planté, j'étais dans un univers très agile et on allait parler business development et digital. Bref, je ne vais pas tout vous dévoiler, je m'arrête là et je laisse place à mon entrevue avec Patrick Larnaudy-Eiffel. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de m'accueillir chez Yuz Seguros. J'ai presque l'impression d'être à San Francisco, dans la Silicon Valley. Là. Où sommes-nous? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les lieux? Bon, déjà, tu n'es pas tellement loin de la Silicon Valley, même si on n'est pas aux États-Unis. Quand on a créé Yuz, on l'a créé un peu dans une salle de réunion à Brasilia chez notre actionnaire. Et rapidement, on a décidé de bouger à São Paulo. Et on s'est mis donc sur la Faria Lima, en plein milieu de Villa Olympia, à côté de Google, à côté de Waze et d'autres banques pas très loin. Bon, il y a plein de startups ou de boîtes de tech autour de nous, donc c'était un peu l'idée. Sur le lieu, alors comment on a façonné un peu tout ça, on a créé notre propre identité architecturale, si je puis dire, parce qu'on a vraiment pensé aux locaux qu'on allait créer. On a eu de la chance d'avoir un investissement assez fort au départ, donc ça te permet de dessiner un peu ce que tu veux. Et l'idée, c'était d'avoir un bâtiment qui soit vraiment le reflet de notre structure organisationnelle. Donc, c'est un peu ce que tu as vu avec les squads, hein, ces espèces de structures en bois qui sont des mini-salles assez ouvertes, mais où tu peux dessiner sur les murs, coller des post-it partout, tout ça. Et des immenses tables qui ne sont pas façon open space, mais c'est d'immenses tables où les gens sont capables, où des départements entiers sont capables de s'asseoir ensemble pour résoudre un objectif commun. Donc c'est un peu ça l'idée. Et en plus, toi, tu as participé en quelque sorte à l'émergence du projet au tout début, puisqu'au tout début, je crois que tu habitais d'ailleurs à Brasilia, tu étais à Brasilia pendant un petit laps de temps. Et donc, tu as vu tout ça se créer directement, tu as été un peu l'instigateur, tu es arrivé, et voilà. Ben ouais, complètement. Moi, j'ai été recruté pour te dire, Yuz a un projet qui est né en 2015, genre en mai 2015, et moi, je suis arrivé à la fin 2015. Donc, le temps que tout ça se mette en place, on a commencé à recruter des gens qu'à partir de novembre. Moi, je suis arrivé donc dans les premiers recrutements, on était une petite quinzaine. De Yuz pure. Après, on avait pas mal de personnes de la Caixa Seguradora, notre actionnaire qui nous aidait au départ. Mais autour de la table, si je pouvais appeler un comité d'exécutif, si tu veux. On était moins d'une dizaine au départ. Et là, vous êtes combien? Et là, on est 220. Alors, ça dépend, on a des départs, des arrivées. Mais... Ouais, en 3 ans, il y a eu... En 3 ans et demi, il y a eu quelques... Il y a eu pas mal de recrutements. On a beaucoup grossi et très vite. Et la différence, elle est peut-être, si je prends des startups un peu plus petites ou qui vont se concentrer sur un premier prototypage, une prototypation dans la première année. Nous, on a commencé, tu vois, je suis arrivé en janvier, décembre-janvier, et on a mis 3 MVP en prod. Donc une assurance auto, une assurance vie, une assurance NRH, petit risque habitation, en 4 mois. Et pour ça, bah, bien sûr, il fallait quand même pas mal de monde. On a recruté à tour de bras des développeurs, des designers, des gens de l'assurance, des financiers. Ouais. Il fallait être très très vite opérationnel. Très très vite. Il y a un investissement assez important du coup dès le départ, ce qui a permis de directement poser des bases solides et rentrer dans le vif du sujet d'un coup. Exactement. Un investissement important dès le départ et un super planning, un planning extrêmement agressif. Donc c'est, ouais. Ouais. On a recruté 80 personnes en 3 semaines, un truc comme ça. Tu vois. Et ben... Ok, donc et pour revenir un tout petit peu, donc on va se concentrer un tout petit peu sur ton parcours au début. Donc j'ai vu que tu étais parti en Argentine pour ton premier job, le tout premier job, comme project manager chez la Caisse Nationale des Dépôts. Et donc après, là tu es au Brésil, je crois que tu es rentré en France entre-temps. Mais dès le départ, tu avais un attrait pour l'expatriation, pour l'Amérique du Sud aussi? Pas spécialement. En fait, c'est à la fin de mes études où il y a eu une opportunité de partir en Argentine. Pour des raisons personnelles, je parlais espagnol. Enfin, voilà, la famille a un truc en Espagne. Je ne parlais pas très bien. Je me suis dit, ça serait sympa de pouvoir un peu... rajouter cette corde à mon arc. Et donc, je suis parti à la CNP, Argentine. À vrai dire, je suis parti là-bas plus pour faire un diplôme au départ. Et comme j'avais besoin de sous, bah, j'ai travaillé dans la boîte d'assurance française à Buenos Aires. Alors, je n'étais pas project manager dès le départ. J'étais celui qui faisait les extractions des bases de données pour monter les dashboards de contrôle de la CIO à l'époque. C'est une toute petite boîte, ils sont 50, mais c'est super dynamique. Mais t'avais quel âge? J'avais 23, 24 ans. Ah bah voilà. Là, donc t'as 8 ans de plus. Exactement. Ouais. Et en 8 ans, qu'est-ce que tu as fait pour donc arriver extracteur de base de données à directeur du business development de l'IUS? Donc je crois que tu es repassé par AXA, donc toujours en assurance en France, aussi en management de projet. Qu'est-ce qui c'est toujours du coup après ton expérience chez CMP, donc tu es resté dans l'assurance parce que tu as eu une opportunité chez AXA ou ça t'a attiré? Alors j'avais déjà ça m'a attiré, j'avais découvert l'assurance chez CMP, je voulais y rester. Quand j'ai décidé de rentrer en France, j'ai commencé à regarder un peu quel style de job je pouvais trouver. J'avais une expérience en assurance, donc ça a aidé pour aller chez AXA. Et je suis ingénieur de formation, donc AXA, ils aiment bien mettre les gens dans les bonnes cases. L'ingénieur de formation, il fallait absolument qu'il soit sur un projet de création, de livraison. Donc je me suis mis sur un gros projet de transformation digitale, mais là, plus de la fonction finance et gestion active. Et là, on a créé une grosse plateforme partagée entre les pays européens du groupe AXA pour qu'ils puissent gérer leur back-office de leurs assets under management. Voilà. Bon, j'ai appris franchement les bases du métier, alors déjà de la gestion de projet, beaucoup moins agile que celle qu'on peut avoir chez Youth. J'imagine. Mais bon, déjà de savoir gérer avec un planning, avec des deadlines un peu stretch, gérer un budget. Gérer des hommes aussi, et après, gérer un effectif. Ouais. Assez rapidement, parce que tu es resté, j'ai vu, 4 ans à peine chez AXA. Et en 4 ans, tu as vécu pas mal de jobs différents. Tu es passé par 3 ou 4 jobs différents, toujours on va dire en project management, mais en gravissant assez rapidement hiérarchiquement. Donc c'est plutôt, tu as dû voir du coup le management aussi assez vite. Ouais, alors ça, j'ai eu de la chance. Alors, ce qui est pas mal avec les projets, et surtout les longs projets, c'est que c'est des durées assez courtes, donc tu as des opportunités assez rapidement. Donc, je suis passé du PMO qui était un peu on va pas dire le larbin, mais un peu la personne qui organisait l'emploi du temps du managing director du programme. Ça c'est bon côté, c'est moins bon. Après, je suis parti en Belgique pour faire le déploiement de la plateforme en Belgique avec un super project manager qui m'a un peu appris les ficelles du métier, qui m'a vraiment poussé. Et à la fin, moi, j'avais mon petit scope à gérer. Je crois que c'est ça qui m'a permis après de devenir le responsable du déploiement de l'Angleterre, au UK, enfin à Londres même. Et là pour le coup, ouais, là, ça a été très compliqué au départ. Ah ouais, ouais, directement, tu t'es retrouvé avec... Tout seul, ouais. Dans un contexte politique assez difficile. Les activités d'AXA étaient en run-off. Les activités financières d'AXA sur la place londonienne étaient extrêmement mal vues à l'époque. Et il fallait, si tu veux, récupérer une partie de ces activités-là des Anglais pour les donner à une équipe centralisée en France. Alors tu vois un peu la rivalité des trucs. Ah, je vois bien. Donc c'était pas simple, mais là j'ai énormément, énormément appris. Mais j'étais un peu. Je suis sorti du projet, j'étais exténué. Mais c'était super. Ok, et donc depuis 3 ans et demi maintenant, tu travailles donc chez YouSeguros. On peut même dire, donc, comme on a vu, que tu avais lancé Youse au Brésil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que la YouSeguros? Quel est le projet de YouSeguros? Alors, ouais, bon, je vais essayer de... En synthétisant. Ouais, je vais essayer de synthétiser. Tu nous as dit que ça appartenait à Quecha Seguradora. Voilà. Déjà, comment j'ai débarqué chez Youse? Ma directrice générale d'Argentine est devenue la directrice générale de l'investisseur principal de Youse au Brésil, du Quecha Seguradora. Et quand ils ont lancé le projet, elle m'appelle, elle me dit, bon, il y a ce projet-là. On était toujours resté en contact. Je lui avais dit que j'avais un peu la bougeotte, j'aurais bien aimé voir autre chose. Et elle m'a dit, je crois que c'est parfait pour toi. Et je vais utiliser les termes qu'elle a utilisés pour décrire le projet. Elle m'a dit, c'est très simple, le Brésil aujourd'hui assure, enfin le marché brésilien est assuré à 30%. Donc il y a 70% des gens au Brésil qui ne sont pas assurés sur l'auto, sur de la RMRH, sur de la vie. L'auto étant le produit qui a une plus grande pénétration du marché, il faut absolument qu'on travaille sur une solution qui nous permette d'inclure finalement, faire un peu d'inclusion financière de cette population nationale. Donc, tu avais un projet un peu sociétal derrière. Okay. Tu vois, le pur pose était chouette. Et de l'autre côté, elle me dit, et puis, bon, ben, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire et comment faire. Et les canaux digitaux paraissent la meilleure solution pour le faire. Donc, créons là l'insurtech, la première insurtech du Brésil, qui aura comme objectif de rendre accessible, si tu veux, l'assurance à tout le monde. Donc, c'était un peu ça comment elle me l'a présenté. Et donc, justement, c'est ça, en fait, ce qui va distinguer Youse de tous ses concurrents et de toutes les compagnies d'assurance ici au Brésil. C'est le fait que ce soit entièrement digital. C'est ça. Alors, t'as deux, moi, je dirais que tu as deux grands différentiels. Le premier, c'est ce que tu viens de dire. On a digitalisé, mais 100% d'une entreprise d'assurance. C'est pour ça qu'on a recruté beaucoup au départ. Et si tu veux, nos process opérationnels sont full digital. Donc, ce n'est pas seulement une acquisition client digitale par des canaux digitaux, mais c'est aussi une manière de fonctionner opérationnellement qui est complètement digitale avec des nouveaux outils informatiques que nous avons créés en interne. Donc, la plateforme, elle est à nous. C'est vraiment l'asset, je pense, le plus important de Youse aujourd'hui. Le deuxième grand différentiel, c'est notre approche de l'assurance, à savoir on a complètement retravaillé le vocabulaire, la manière de communiquer, la manière de présenter les couvertures, les assistances, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que j'en ai besoin. On a arrêté d'envoyer des pavés, si tu veux, expliquant ouais. Toutes les couvertures et les garanties auxquelles tu as droit, pour avoir une approche un peu plus user-friendly. Agile, dynamique. Et d'ailleurs, je crois que vous touchez les jeunes essentiellement, donc ça matche bien avec... Alors, tu as... De toute façon, les canaux digitaux, c'est toujours les 25-35 qui les utilisent plus, un peu, même un peu plus jeunes parfois. L'assurance, les vrais consommateurs d'assurance, c'est plutôt à partir de 30 ans. Donc nous, on est dans cette cible-là de 20 ans à 45, avec vraiment un gros pic entre 25 et 35. C'est notre target. Ok, et donc concrètement, la Yuz est présente dans trois secteurs, tu l'as dit, Seguro Auto, Seguro Residencial et Segura Vida. Et aurais-tu donc des exemples concrets pour parce que ceux qui ne connaissent pas trop l'assurance, etc., quand est-ce qu'on a besoin de la Yuz? Quand est-ce qu'on pourrait être amené à contracter avec ton entreprise? Alors, très simple. Concrètement. Concrètement, au Brésil, et c'est un peu différent. Si on prend le cas de la France, les assurances auto ou habitation ou vie ne sont pas obligatoires. Donc les personnes qui roulent dans la rue, finalement, les deux tiers des personnes ne sont pas assurées. Si demain tu as un accident, tu as deux chances sur trois que la personne qui t'est rentrée dedans ne puisse pas te payer. C'est un peu ça l'idée. Et ça doit être beaucoup plus difficile pour vous d'aller chercher ces personnes-là. Justement, la personne va plutôt miser sur le fait qu'elle n'aura jamais d'accident. Exactement. Donc ça, c'est un peu le gros problème. De l'acquisition surtout directe, c'est que le marché brésilien n'est absolument pas éduqué et n'est pas du tout consommateur d'assurance. Maintenant, si tu veux, on a pas mal de contrats d'assistance, de services d'assistance, qui sont beaucoup moins chers et qu'on arrive à vendre même à l'unité, qui ont une valeur beaucoup plus matérielle pour le client, à savoir un électricien pour la maison, à savoir une personne qui va te... un serrurier qui va t'ouvrir la porte de ta voiture quand tu as oublié les clés dedans, ou ne serait-ce que la dépanneuse quand tu es en rade dans la rue. Et le parc automobile du Brésil est assez vieux, donc ils utilisent beaucoup de dépanneuses, et là, il y a une plus grande pénétration. Ok, donc vous utilisez des packages un peu disant, si vous contractez avec nous et que vous nous appelez si vous avez un accident, vous avez la dépanneuse va venir. Enfin, j'imagine qu'il y a différents niveaux du coup en fonction du pack qu'on a pris. Ouais. Mais c'est un peu. C'est un peu ça ce qu'on essaie de mettre en avant. C'est en termes de stratégie commerciale, c'est de choisir les mots et les services qui parlent aux gens. Le guincho, la dépanneuse, c'est quelque chose que tout le monde utilise. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant. Après nous, on se bat pour finalement les paquets, les pacotis comme ils disent ici, complètement fermés, où tu ne sais pas vraiment ce que tu as dedans, ce n'est pas vraiment ce que tu achètes. On laisse le client sélectionner exactement ce qu'il veut, avec un pricing en temps réel, c'est-à-dire que si j'inclus telle assistance ou telle couverture, je vais pouvoir voir mon pricing qui bouge en temps réel. Et je peux le remodeler et je le modèle comme je veux. Sur les plateformes internet. Enfin, sur l'application. Je fais tout sur la plateforme internet. Si j'ai envie, au bout de 2 ans, je me rends compte que tel petit service ne me servira pas et que ça me coûte au final 4 euros, enfin, je dis n'importe quoi, et ben, je peux le décocher. Quoi. Tu peux le faire, alors c'est pas sans attendre 2 ans, tu le fais, non, mais bien sûr. Tu le fais demain. Donc si demain tu vas partir en vacances et tu vas faire 3000 km en voiture, là tu fais un avenant en contrat directement sur l'applicatif. On recalcule ta prime mensuelle. Et tu le fais pour 3 mois et après tu l'enlèves. Ok. Si je sais que pendant 3 mois, pendant 6 mois, je vais dans une grande ville où il y a pas de, où j'ai pas besoin de ma voiture, je serai tout le temps en transport en commun ou la grande majorité du temps, plus besoin. Je peux mettre en veille mon contrat d'assurance en 2 clics. Exactement. Et ça, finalement, tu fais appel à un marché assez aguerri, la personne qui est déjà capable de se dire attends, je vais changer mes couvertures, c'est qu'il est déjà consommateur d'assurance. Et comment on fait venir ces gens qui n'y connaissaient rien. Et y a, donc c'est à travers ces petits services. Il y en a un que j'aime bien parce que finalement il est assez gadget et les gens aiment bien le gadget. On travaille avec un partenaire qui installe un tracker, une black box dans ta voiture. Okay. Parce que le taux de vol en fait au Brésil est quand même relativement haut. Okay. Donc c'est assez courant. Et finalement on a utilisé ce tracker-là pour donner au client la possibilité de géolocaliser sa voiture en temps réel. Et de savoir, bon, bah, elle est partie où, ma fille est en train de conduire, ou ici, ils utilisent beaucoup des services de voiturier, donc est-ce que le voiturier n'est pas en train de faire le tour du pâté de maison, un petit tour. Il se fait plaisir avec la Porsche. Exactement. Voilà. Et ça a super bien marché, on a fait une campagne là-dessus. Les gens ont adoré le service, sont rentrés en contact avec nous, ont contractualisé ce service-là, et après, à travers une approche un peu de upsell, cross-sell, on leur vend nos assurances. Voilà comment on fait un peu d'acquisition. Ouais, bah ouais. Et tu parlais tout à l'heure donc, de la différence d'approche entre donc, le marché de l'assurance en France et au Brésil, la différence de mentalité. Récemment, je lisais que le 9 avril, il y a eu la 15e édition des Argus d'or de l'assurance, donc une cérémonie, une remise de prix pour l'assurance en matière d'innovation, d'assurance, de campagne de communication ou de garantie. Et Use France s'est vu décerner l'Argus d'or dans la catégorie assurance affinitaire. Donc, j'ai cru comprendre, enfin, tu m'as dit avant cette interview que Use France et Use Seguros sont deux plateformes et deux offres assez différentes, complètement différentes même. Pourrais-tu nous dire ce qui les différencie, si tu le sais d'ailleurs ? Alors déjà, c'est pas la même entreprise, entre guillemets. Donc nous, on a été investis par Caixa Segura d'Ora, qui elle-même est détenue en partie par CNP, la Caisse Nationale de Prévoyance. Et c'est CNP qui a décidé de son propre chef de lancer Use en France. Alors ça s'est fait, on les a aidés, la marque est la même, enfin... On a créé un peu tout ça, mais ensemble, mais c'est vraiment deux boîtes avec des directions, des stratégies différentes. L'offre est un peu différente dans le sens où ils ont attaqué un marché qu'on pourrait peut-être dire de niche, qui est, ou un problème très ciblé, qui est résoudre finalement les relations pas souvent très bonnes entre le locataire et le propriétaire. Donc, c'est vraiment créer une solution qui régénère ou qui crée la confiance entre ces deux parties-là. Donc, je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui n'a pas encore de revenu fixe, qui n'a pas la chance d'avoir papa et maman derrière pour se porter garant, ou qui n'a pas spécialement envie de leur demander. Mm-hmm. Eh bien, il peut faire appel à Use en France pour qu'elle se porte garant pour lui et rassurer le propriétaire. Il est bien solvable qu'il va payer. Et en plus de ça, Use... joue le rôle d'une plateforme entre guillemets financière, qui s'occupe de récolter les loyers et de payer le propriétaire. Okay. Voilà, donc c'est vraiment une approche un peu différente qui est la nôtre ici, où on est vraiment sur du produit assurantiel de masse pour atteindre un maximum de personnes. Très bien, bah, fin de l'aparté du coup. et j'ai vu récemment, encore une fois, que vous aviez lancé une application. Donc pour l'assurance auto dans cette catégorie-là, du coup, Use Trips, qui convertit une bonne conduite donc du volant en points. Oui. Donc en fait, vous incentivez une bonne conduite au volant, l'assuré obtient des réductions qu'il peut suivre très facilement sur son téléphone. J'ai d'ailleurs téléchargé moi-même pour voir de quoi il s'agissait l'application. Et bon, tout le monde sait que moins tu as d'accidents, moins tu payes ton assurance. Mais vous, en fait, la différence, c'est qu'on peut suivre le truc sur l'appli de façon plutôt bien faite avec des diagrammes et tout. Et c'est quand même assez pratique. Comme ça, on voit le nombre de réductions qu'on a en fonction des kilomètres, en fonction de si on s'est arrêté au bon endroit, tout ça. Exactement. Bon, on l'a lancé il y a quelques mois maintenant, l'idée. On avait un grand pari. Je crois que le monde de l'assurance a fait un grand pari. Qui est utiliser les données comportementales des gens pour tarifer leur contrat de la manière la plus détaillée ou détaillée qu'il soit. On ne savait pas vraiment s'il allait y avoir une bonne acceptation de ce genre de solution. On a été les premiers à le lancer. C'était un gros boom d'un test et sorti quelque chose d'assez extraordinaire. On ne s'y attendait pas parce que Ustrip en fait est devenu et très rapidement le premier applicatif de télémétrie de l'Amérique latine, donc avec le plus d'utilisateurs, le premier. C'était assez inattendu. Et okay. On est si tu veux aujourd'hui on doit avoir 6 millions d'utilisateurs. 6, pas d'utilisateurs mais de trips enregistrés. Non, en termes d'utilisateurs on arrive à un peu plus de 500 000. Entre 500 et 600 000, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, ça a été une grande acquisition organique parce que le bouche à oreille a fait que les gens sont venus d'eux-mêmes un peu tester notre applicatif. Donc, on a lancé ça il y a un an, peut-être un poil plus d'un an. On a deux types, si tu veux, d'engagement de la base de clients de cet applicatif. Soit effectivement, on va leur fournir et leur offrir des discounts. Pour contractualiser un produit, un service de Use. Mieux ils roulent, moins ils ont d'accidents. Ouais, en gros, c'est ça, on donne un moins 20%. soit tu participes à un grand challenge pour gagner, alors différents lots. Il y a un lot qui marchait très très bien, on a fait ça en partenariat avec, avec Amazon, c'est les Kindle. Alors là, on a des gens mais qui ont roulé 10 000 km par le mois, enfin des trucs absurdes. On a arrêté d'ailleurs pour essayer de ne pas trop non plus incentiver les gens à rouler et à dépenser leur gasoil. Mais ça a super bien marché. On a été beaucoup copiés ces derniers temps. Donc, tous nos concurrents, finalement, ont lancé un applicatif similaire comme partie intégrante de leur souscription underwriting, justement pour discriminer le mieux possible le risque de leur client. Ok. Et j'ai lu dans Forbes Brasil que le secteur de l'assurance au Brésil allait voir sa croissance augmenter de 8,4% cette année. Donc, très porteur ce segment de marché. Hughes a donc de beaux jours devant lui. D'autant plus que l'article rappelait que l'entreprise, justement, qui est très jeune, assurait déjà plus de 10 millions de personnes dans le pays et connaît en 2018 une croissance de 150%. Ford Brasil. Ouais, Ford, on va surtout pas contredire Ford. Bon, ils ont été un peu, je pense qu'ils... Vous avez contraté une bonne agence de RP. Ouais, c'est ça. Bon, non, là, ils ont été un peu too much. On n'a pas 10 millions de clients. On en a beaucoup, mais pas 10 millions. Vous en avez combien à peu près ? À peu près, on est encore en dessous de la barre du 1 million, mais pas très loin. Ok. En fait, en termes de vente, là, pour le coup, on en a beaucoup plus. Mais on a des gens qui viennent, qui testent, qui annulent leur assurance. On a beaucoup de early adopters, si tu veux, qui viennent et qui achètent pour 2 mois ou qui partent en vacances et après qui annulent leur contrat. Et c'est très bien, c'est notre business model, il n'y a pas de frais d'annulation. Voilà. Donc oui, effectivement, s'ils considèrent un peu nos ventes, mais non, on regarde les pieds sur terre quand même. Ok, mais la croissance donc, de plus de 100%, ouais. Quelle est la suite de l'aventure Hughes du coup ? Le futur pour Hughes, bon déjà, il y a encore une très longue histoire au Brésil à être. Le Brésil est un marché extrêmement ouvert. Et comme tu l'as dit, hein, l'assurance est en train d'avoir un taux de pénétration qui est très bon pour différentes raisons. Premièrement, l'économie a eu un petit ralentissement dans les 5 dernières années. Elle est en train de grossir, enfin de remonter à nouveau. Donc il va y avoir des investissements étrangers qui vont venir, qui vont faire un peu les mêmes choses que nous on a fait, proposer des nouveaux services. Les gens sont de plus en plus, entre guillemets, cultivés sur les solutions financières. Et les startups et les fintechs aident beaucoup justement à éduquer ces gens-là, on va dire ça comme ça. Et après, il y a les grandes réformes qu'on attend tous, que le gouvernement a promis, notamment celle du régime des retraites, où il y aura finalement pas mal d'activités qui étaient jusque-là publiques, qui vont aller vers le privé. Et effectivement, les assureurs sur la retraite, mais sur bien d'autres, ont beaucoup d'avenir devant eux. Ouais, et superbe opportunité. Et là, Hughes, pour le retraité qui utilise Facebook, et Twitter, Instagram, c'est parfait. Ben alors, le retraité agile. Non, mais vous misez sur les futurs, là, les générations qui arrivent. Moi, mes grands-parents, ils utilisent. Alors, on mise, finalement, nous, on mise sur des un peu tout le monde. Mais pour être clair, qu'est-ce qu'on va atteindre de ces gens-là sur la retraite ? Des jeunes cadres dynamiques qui pourraient complètement être intéressés à avoir leur retraite ou leurs investissements chez Hughes parce que Hughes leur offrirait un contrôle complètement digital. C'est exactement ce que je veux dire, c'est une question de contrôle. On a l'impression qu'on contrôle exactement ce qu'on dépense. Autonome. Et pour un jeune cadre retraité, je pense que c'est une solution assez idéale dans sa mentalité, de pouvoir en un clic sur son ordi ou sur son truc, savoir, enfin c'est top, la dématérialisation de la facture, on va dire, c'est directement inscrit sur son téléphone. Complètement. Et je pense que ça, tu as tout à fait raison, il y a une demande qui est, on va dire pour les cadres ou les plus favorisés, qui est de pouvoir investir leur argent ou le mettre de côté ou planifier leur futur, hein, parce qu'au Brésil, finalement, la retraite publique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas terrible. de manière complètement autonome, sécurisée et avec un temps de réaction réel, si tu veux. Ils veulent tout en temps réel. Et là-dessus, les assureurs, surtout Yooz, a une stratégie et un chemin à faire qui est énorme, qui est mais comment s'allier avec des grandes institutions financières pour proposer un panel de produits financiers à ce genre de personnes. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. Là, pour le coup, on sera beaucoup plus dans du B2B2C que dans du B2C qu'on a pratiqué jusqu'à et là, après, c'est nos limites en termes de possibilités. Après, c'est clair. Mais tu vois, tu parlais du petit vieux qui allait sur Facebook, checker ses trucs. Mais finalement, notre mission à nous, ce n'est pas spécialement d'être seulement digital, mais c'est de pouvoir être présent sur le canal que le client va choisir. Et donc, si Yooz demain doit être, alors je ne crois pas qu'on le fera, mais bon, on pourrait toujours imaginer, dans une agence physique parce que le client le demande, et c'est vraiment ça qu'ils veulent, on le fera. Oui, et comme là, pour l'instant, les clients demandent justement du digital, enfin, c'est la tendance actuelle. Pour le moment, on ne se plaint pas, on s'en sort pas mal, mais encore une fois, dans cette nouvelle stratégie de B2B2C, on verra jusqu'à ça, ça va nous emmener. Et donc, je parlais de la suite de l'aventure, donc tu m'as surtout parlé donc, du Brésil, mais j'ai l'impression quand même, on va pas, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit inscrit noir sur blanc dans la stratégie et sur vos post-it, les nombreux post-it que vous avez sur vos dashboards, mais c'est un concept exportable, cette plateforme. Complètement. Alors, je ne pourrais pas te dire, demain, on va lancer aux États-Unis parce que ce n'est pas l'idée. Finalement, ce n'est pas une décision qu'au niveau de Yooz Brésil, on est en train de prendre. On a encore beaucoup de chemin à faire. Mais oui, c'est un modèle qui est complètement exportable. La plateforme digitale, elle est sur le cloud. On peut l'atteindre et l'utiliser d'à peu près partout dans le monde. C'est un peu toutes les grandes techs. Les grandes entreprises de tech ou les GAFA, ils ont exactement la même chose. C'est un peu spécial. Il y a une technologie, une plateforme, et ensuite le modèle est réplicable, adaptable selon les cultures, les besoins de chaque pays. Exactement. Mais bon, un truc qu'on est en train de faire là en ce moment, le 10 juin, on lance notre premier produit, alors pas sous marque Yooz, mais sous la marque CNP Partner en Espagne. Okay. Voilà. Donc c'est peut-être aussi une manière pour Yooz, ou du moins le concept qu'on a créé, dans son groupe, d'évoluer. Ouais. Et de pointer le bout de son nez en Europe. Exactement. Bon, Yooz est déjà en Europe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais de pouvoir encore plus aider nos partenaires européens. Ok. Donc maintenant, on va parler un petit peu du management, puisque là, tu es vraiment donc manager. Jeune, mais avec beaucoup d'expérience en management, en France et au Brésil. Quelles sont pour toi, et y en a-t-il d'abord, les différences managériales entre la France et le Brésil, de ce que tu as pu voir chez AXA et ici, ou de ce qu'on t'a dit en général? Bon, il y en a, non, s'il y en a des différences culturelles, je pense qu'en France, on est très, on a peut-être un culte du chef assez développé, très politique, on fait très attention à ce qu'on dit. Très top down. Super top down, ça c'est clair, très direct. Ah oui. Extrêmement direct. Et quelque part, même si c'est top down, je trouve que les Français ont une tendance à être très direct aussi, même parfois avec leur patron. Oui. Donc ça favorise le débat et la communication claire. Quand tu dirais que c'est presque franc. Ouais, presque franc, alors parfois trop franc. Non, bien sûr. Voilà. Mais oui, mais en tout cas, le problème, l'énoncé du problème est clair. Voilà, alors que c'est vrai que moi, ce qui ressentait de mes autres interviews, c'était le problème du oui et du non. On te dit toujours oui ici au Brésil, jamais non, et par derrière, ce sera non. Enfin, ah oui. Si je caricature. Et on me disait que c'était assez difficile de recruter. Enfin, ici, tout marchait à la confiance. Mais à la confiance, c'est indirect la confiance, c'est pas très mesurable la confiance. Donc c'est parce que les Brésiliens sont un peu plus volatiles. Mais si, un peu volatiles, je pense que c'est le bon terme. Okay. Y a une expression d'ailleurs au Brésil qui dit on va apprendre à danser la samba ensemble. Et dans le business, ça s'utilise pas mal. Donc tu vas prendre un partenaire, tu vas passer un partenariat avec quelqu'un, pour le moment il n'y a rien de signé. Il veut dire, mais oui, on fait ça, t'inquiète pas, on est bien d'accord. Et finalement, derrière, il revient toujours sur ce qu'il a dit. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça, C'est très important de mettre les choses par écrit, d'être très clair. Il y a un côté un peu, tant que ce n'est pas signé, ça peut changer. Le gentleman agreement à l'européenne, c'est vrai que ça existe un peu moins. D'un point de vue plus leadership, managérial, travailler avec des Brésiliens, c'est très agréable pour beaucoup de points. Déjà, ils travaillent beaucoup. Ils sont très motivés. Et ils sont, voilà, ils ont une énorme joie de vivre. Ça, c'est hyper agréable. Par contre, pour beaucoup d'autres points, notamment la franchise, notamment une confiance 100% entre la personne avec qui tu bosses, notamment un « je peux déléguer à telle personne parce que je sais que ça sera fait exactement comme je l'ai pensé », non, c'est des points qui ne fonctionnent pas exactement pareil. Il n'y a qu'à voir leur administration, hein, si tu ne vas pas relancer les gens ou tu ne vas pas derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un peu ce côté-là qui est un peu déroutant. Le partenariat, tu te fais avoir une fois, mais pas deux. Et ton équipe, et tes équipes, tu sais jamais, entre guillemets, à quoi t'en tenir. Et ils n'aiment pas trop recevoir des feedbacks et surtout négatifs. Donc, je ne dirais pas qu'il faut manipuler les gens, mais il faut user parfois un peu de c'est à l'américaine. Un peu de verre, un peu de stratégie, oui, de communication pour toujours faire passer les messages. Exactement. Le meilleur. C'est une technique de management qui doit aussi, qui a ses avantages. Ah oui, ça a ses avantages. Maintenant, c'est vrai que quand tu veux avancer un peu plus vite, moi j'ai laissé quelques personnes sur. Ouais. C'est pas toujours extrêmement facile, surtout quand tu arrives. Au début, ils sont pas habitués bien passé. À être bousculés dans les termes. Exactement. Ok. Et je lisais, je menais une petite enquête sur toi et je lisais tes recommandations sur LinkedIn. Et j'avoue, bon, je vais pas toutes les citer, hein, mais j'avoue qu'elles sont assez incroyables. Si je voulais résumer, ce serait en fait dans tous les commentaires ressort ton côté charismatique et stratégique. Ainsi que ta bienveillance ressort. Je voudrais avoir ta recette, là. Comment devient-on un manager aussi aimé que toi? Déjà, commence par supprimer les commentaires négatifs de ton LinkedIn. Plaisante. Non, je n'ai pas spécialement de recette. Peut-être ce à quoi, certaines valeurs à quoi je crois. La première, moi, je suis assez jeune. Donc finalement, les gens avec qui je travaille, ils ont mon âge, ils sont un peu plus vieux ou un peu plus jeunes, mais pas à peu près tous pareils. Donc il n'y a pas de raison de pas créer une bonne communication avec eux et d'être transparent et clair. Même si, je veux dire, même si les Brésiliens, ils n'aiment pas trop mon aspect super direct, il y en a beaucoup qui me disent, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir et c'est juste. Je pense que c'est ça. Après, pour motiver les gens, il y a une recette qui n'est pas de moi, hein. Mais si tu es capable de manière assez d'énoncer une stratégie de manière assez claire et donc de captiver et de convaincre les gens, il n'y a pas de raison qu'ils ne te suivent pas. Donc il faut être capable d'ouvrir un peu le stratège avec ton équipe en disant, de toute façon, il n'y a pas de raison de leur cacher les choses. On est là, on va arriver au point B tous ensemble, et le point B, il sera bénéfique pour tout le monde. Exactement. Donc, let's go. Exactement. Et au fur et à mesure que tu avances, leur donner des feedbacks positifs ou négatifs, mais qu'on puisse progresser tous ensemble. Et quand tu donnes des feedbacks, à partir du moment où tu es d'accord pour en donner, il faut que tu acceptes d'en recevoir. Et ça ne fait pas toujours du bien, mais ça te permet au moins de réajuster un peu ton comportement, même en étant manager ou leader, en fonction du contexte dans lequel ton équipe est. En parlant de feedback, pour en revenir en une seconde à Yous, vous mesurez la satisfaction de vos clients? Des clients et même des employés. Avec le NPS? Alors on utilise NPS, on a un top-up, top-down, on a plusieurs indicateurs. Mais oui, ça, on essaye de le faire à chaque touchpoint, tu vois, qu'on a avec nos clients, on a une enquête de satisfaction. Et il est bon, enfin, vos scores sont... Nos scores pourraient être bien meilleurs. Ah, ok. Il n'est pas mauvais. Okay. Non, il est plutôt bien, mais on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Ouais, c'est très jeune. Ok, très bien. Eh bien, nous attaquons la dernière partie de l'interview sur la vie d'expat à São Paulo, puisque bon, bah, j'ai la chance de te connaître relativement bien, on va dire. Tu as déménagé il y a peu. Tu habites une charmante maison avec piscine au plein cœur de São Paulo, dans le quartier de Moema. Un cadre de vie plutôt sympathique que tu n'aurais certainement pas eu à Paris, ou en tout cas pas à 30 ans. Tu conseilles la vie d'expat? Ouais, clairement, Merci. clairement, c'est ça. Clairement, je la conseille. Non, bon, tu vois, j'ai quitté mon 37 mètres carrés à Paris, bon, qui était bien placé, mais bon, c'était tout petit, on était deux. Ok, ce que j'allais dire, 35 mètres carrés, c'est déjà Non, osé attends, pour une personne. il était très, très bien, mais bon, Oui. rien à voir avec la vie qu'on a aujourd'hui. La vie d'expat, moi, je la conseille parce que moi, j'adore arriver dans un pays que je connais pas, apprendre à parler la langue. Rencontrer une nouvelle culture, T'as tout mis du ça. temps à parler portugais? Non, c'est assez rapide. Je parle espagnol Ouais. et bon, je pense en 3-4 mois, tu te débrouilles bien avec une immersion presque totale. Donc, la vie d'expat, super bien. Après, ça a des côtés un peu plus difficiles. Tu es tout seul, ta famille est loin. Le Brésil, c'est quand même culturellement pas très proche de nous. C'est pas très différent non plus, hein. Mais. Voilà, tu as un peu d'adaptation. D'un point de vue professionnel, je trouve que ça te permet de grandir très vite parce que tu vas être confronté à différentes situations qui font que tu auras une expérience un peu plus ample que si tu étais resté dans ta zone de confort en France notamment. Et si je prends l'exemple du Brésil, ils sont beaucoup plus business développeurs que nous. Ils testent tout. À chaque fois, ils essayent de trouver une stratégie qu'ils vont faire, qu'ils vont pouvoir maximiser leurs revenus et autres. Peut-être qu'en France, on est un peu moins business oriented, Ah mais oui. c'est vraiment, ouais, ça te crée vraiment des bons outils. Et donc, São Paulo dans tout ça? La vie à São Paulo? Elle est, Agréable? on n'est pas désagréable. À São Paulo, il faut être bien chez soi. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs on a déménagé il n'y a pas longtemps pour aller dans cette maison qui est top, parce que finalement, c'est une énorme ville. Tentaculaire, t'as pas de centre-ville ou t'en as un, mais il est un peu délabré, quand tu le connais. Donc t'as pas ce petit côté un peu centre du village gaulois qu'on pourrait avoir en France où on se retrouve tous au même endroit, on va boire des verres, on est en terrasse, c'est sympa. Non, São Paulo, finalement, tu utilises beaucoup ta voiture, mine de rien, Ouais. et t'es souvent chez toi parce que déjà le Brésilien il sort pas Non, énormément, ça beaucoup c'est moins vrai que aussi. nous. Et puis t'as pas cette place de village. Ok, et donc là maintenant on va finir sur une question, enfin j'en ai deux, mais la première des deux, on va finir sur une question plus orientée tech. Donc tu travailles avec des startups à São Paulo en tant que directeur du BizDev. Quel avenir pour la tech au Brésil selon toi? Tu me disais il y a 30 secondes que les Brésiliens étaient très business oriented, ils voulaient tester les choses, ils étaient en fait business dev. Quel regard portes-tu sur l'environnement startup à São Paulo et au Brésil en particulier? Mais je crois que ça se concentre surtout à São Paulo parce que on délaisse de plus en plus Rio. Ouais, vraiment non, t'as raison, la tech elle est à São Paulo, on est un peu à Curitiba, un peu à Belo Horizonte, mais vraiment localisé à São Paulo. Vraiment une super croissance dans les années à venir. Pour deux choses, premièrement, donc, il y a des fonds qui reviennent, et le Brésil, pour des grosses boîtes, et surtout de tech, qui veulent tester un nouveau produit, qui veulent tester un nouveau concept, un nouveau business model, c'est l'endroit idéal. Tu as un marché qui est énorme, qui sont 206 millions d'habitants. Tu as des coûts, finalement, de main-d'œuvre, si je puis dire, qui sont pas très élevés, ou moins élevés qu'aux États-Unis en Europe. Et tu as un marché qui est prêt à tester de nouvelles solutions. Donc, ils sont très attachés à une marque, mais finalement, ils changent, ils testent. Si tu es capable de leur donner un petit avantage commercial, même pour une fonctionnalité similaire à une autre entreprise, ils vont tester ton truc. Donc pour ça, c'est génial. Donc plus d'investissement, un marché qui est en pleine explosion et qui est très early adopteur. Et tu as au Brésil, finalement, une éducation, surtout de São Paulo, des employés de São Paulo qui est assez bonne. Donc tu vas trouver des développeurs qui sont très bons, qui d'ailleurs travaillent tous plus ou moins avec les États-Unis et la Silicon Valley. Tu vas trouver des product owners, des product managers digital ou digitaux extrêmement expérimentés. Donc non, ça va être, pour moi, ça va être l'âge d'or de la tech. Ouais, et puis là, il y a des startups, des licornes, Nubank, 99 Taxi. C'est pas que c'est gros, ouais, t'en as plein. Les tailles sont beaucoup plus importantes qu'en France. En France, on en a peut-être plus en quantité parce que là, ça émerge, c'est juste très récent. Mais il y a une perspective de croissance ici au Brésil qui est démesurée comparée en France. Qui est énorme. Le seul petit frein qu'il pourrait y avoir, c'est juste l'instabilité économique, on va dire du REACH, mais c'est l'instabilité politique un peu. Ça, ouais, alors ça, c'est, voilà, on peut avoir le débat. Non, ça reste un pays en développement avec ses... Finalement, même si le REACH parfois se casse un peu la gueule, les gens arrivent à vivre dans le même monde que toi et moi ou que les Européens. Les valuations que tu disais tout à l'heure des grandes startups, elles sont liées finalement au volume extraordinaire que ce marché est capable de créer. Et donc si bon, demain il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « est-ce que c'est un bon endroit pour créer ta startup ?» Calme. Oui, et puis en plus, moi, on disait dans les récentes interviews que un des points fabuleux du Brésil, c'est que souvent, en tout cas, tu commences au Brésil, si ton modèle marche au Brésil, l'Amérique latine, elle t'est donnée, elle t'est offerte. Donc, c'est la porte ouverte pour toute l'Amérique latine, je pense, et aussi les États-Unis. Et donc, pour finir, dernière question, aurais-tu des conseils? Quel serait ton conseil pour un Français qui va travailler à São Paulo ou qui souhaite lancer son business là-bas? Mon conseil, c'est une bonne question. Voilà. Alors, d'un point de vue personnel, et après on ira au professionnel. Comment arriver à São Paulo? Effectivement, je pense que, même si je ne l'ai pas fait, hein, parce que je ne suis pas du tout actif dans la communauté française, mais je pense que c'est un bon point de départ. Vivre à Pinheiros, finalement, pourquoi pas, ce n'est pas désagréable. Si tu veux voir du monde, si tu ne veux pas être tout seul. La partie administrative, elle est assez difficile à gérer, surtout au début, parce que tout prend extrêmement de temps. Tu vas à la police fédérale, tu as toujours un document qui ne va pas, tout ça. Donc, bien se préparer avant, bien lire tous les documents que tu vas avoir besoin pour faire ton visa, pour faire tout ça. Et moi, je conseillerais, même si c'est possible pour les Parisiens, d'aller au consulat brésilien à Paris. Déjà, ça vous donnera une première petite idée de comment ça se passe pour préparer votre voyage. Et une fois sur place, oui, bon, on va commencer avec un Airbnb ou un moins un hôtel. Airbnb, ça marche très bien. Et attendre un petit peu avant de louer son appartement pour se donner une première aperçu du quartier, de qu'est-ce que São Paulo. São Paulo, ça a une super mauvaise image. On dit toujours que c'est hyper dangereux, que voilà. Mon conseil, c'est pas trop écouter les légendes urbaines. Finalement, São Paulo, comme toutes les grandes villes, c'est une ville qui a ses problèmes d'insécurité, ça c'est sûr. Après, c'est pas non plus Bogota dans ses grandes années. Il suffit de respecter les règles. Les règles, il faut les demander aux Brésiliens, il faut poser la question. Pas de sujet. Alors maintenant, on passe sur la partie plus professionnelle. La personne qui vient travailler au Brésil, s'il vient en contrat d'expat, bon, il n'y a pas vraiment de conseils. Il ne sera jamais brésilien, mais ça, il n'y a pas de sujet. Et normalement, tous les RH organisent finalement son transfert et prennent tout en considération. Par contre, s'il est contractualisé en contrat local, c'est un peu la galère, nos visas de travail. Il faut pas spécialement s'attendre à une super grande aide des entreprises brésiliennes pour t'aider à gérer ces sujets-là. Donc, il y a des entreprises qui sont payées pour organiser un peu toute la documentation que tu as besoin et autres. C'est super important de bien comprendre quels sont les documents que tu vas avoir besoin. Que ce soit livret de famille, qui est très des casiers judiciaires, ce genre de trucs. Traduit. Ouais, exactement. Traduit, apostillé officiel. Tous ces trucs-là avant d'arriver, parce que ça, c'est vraiment la galère. Et une fois que tu as ton contrat de travail, si tu es dans un grand groupe, faut prendre le temps de bien comprendre un peu comment ça fonctionne et qui fait quoi. Parfois, ce n'est pas vraiment clair. Tu as un organigramme, mais tu en as finalement un qui n'est pas très officiel. Tu as l'officiel et l'officieux. Comprendre bien l'officieux et pas se brouiller avec pour pas se brouiller avec les personnes clés. Et si tu montes ton business, le Brésilien, il adore parler. Ça, c'est un truc, il adore raconter ce qu'il pense, ses émotions. Donc, pour tout ce qui est. Il est très dans les émotions. Ah oui, il est hyper dans les émotions. Pour tout ce qui est un peu service design, design thinking, c'est vachement intéressant de faire une petite étude qualitative en parlant avec les Brésiliens sur mais comment tu verrais mon produit. Et ils vont t'ouvrir finalement un panel de possibilités assez énorme et après tu vas pouvoir choisir ce qui t'intéresse. Et surtout, le dernier point, une fois que tu as fait un prototype, le tester, le mettre en prod le plus rapidement possible et le tester, parce que finalement, le volume que tu vas réussir à générer pour faire ce test va être tel que tu vas rapidement pouvoir valider tes hypothèses et passer à la deuxième étape de ta création de produit sans problème. Ok, et ben super, je pense qu'on a fait largement le tour, que ce soit de ton parcours, de la use, du management, de ton poste en business development et de l'écosystème tech et même l'écosystème en général à São Paulo. Ben, merci Patrick de m'avoir invité ici chez You Seguros et puis bonne fin d'après-midi. Merci à toi aussi.